Maman est pessimiste, tendance Schopenhauer. Sur mon bel avenir, elle projette ses peurs. Mes jolies crises d'angoisse, presque toutes les nuits, auraient tendance à valider ses théories. Elle dit toujours quelle fille voudrait d'un tel poison, ne comprend pas comment j'évite la prison. Crains que je sois terroriste ou prof de maternelle, à ses yeux je suis pervers, antisocial, rebelle. J'ai pas grandi dans le velours, mais à quoi bon appeler au secours? Manger les restes sous la table, c'était tout à fait supportable. Aujourd'hui je suis un adulte qui vit très loin de ce tumulte. Mais les filles se méfient de moi, je pense que maman sait pourquoi. À trancher les lanières du maudit martinet, j'ai dégusté le manche dans les pommes sur le parquet. Papa défenestré, j'ai dormi dans leur lit. Elle voulait vérifier que je touche pas mon zizi. Elle coupait la télé quand il y avait des femmes nues. J'avalais une à une mes larmes retenues. Mais un jour dans ma chambre, une amie du lycée, maman l'a tabassée, criant prostituée. J'ai pas grandi dans le velours, mais à quoi bon appeler au secours? Manger les restes sous la table, c'était tout à fait supportable. Aujourd'hui je suis un adulte qui vit très loin de ce tumulte. Mais les filles se méfient de moi, je pense que maman sait pourquoi. Maman est pessimiste, tendance Schopenhauer. Sur mon bel avenir, elle projette ses peurs.